Vous écoutez Futur Simple sur CKL 89.1. Et après la sexologie, nous enchaînerons avec une curieuse association entre les études de genre et l'archéologie. Et pour nous en parler, je reçois Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Oui, bonjour François. Alors oui, je vais parler d'archéologie du genre. Et je vous avertis, ce soir, je navigue dans quelque chose de plus théorique que d'habitude. Donc, on n'a pas le choix, on va commencer par le début. Qu'est-ce que l'archéologie du genre? En fait, il s'agit tout simplement d'une méthode d'étude des sociétés du passé qui va examiner par le biais de leur culture matérielle. C'est pas surprenant, toujours les vestiges archéologiques. Uh-huh. On va regarder la construction sociale des identités et des relations humaines. En d'autres mots, l'archéologue recherche à dégager et à comprendre les relations, les classes sociales en fait, et les types d'interactions que les gens ont eues entre eux par les objets qu'ils ont laissés derrière eux. Puis des fois, on va même étudier les restes humains dans cette même optique-là. On prétend donc que les différentes interactions sociales vont transparaître au-delà de la relation en elle-même, donc à travers les objets en soi. Ceci étant dit, tout est libre d'interprétation et surtout, c'est empreint d'un contexte socioculturel communément appelé les biais de l'archéologue. Et là aussi, je m'explique, les théories féministes qu'on a connues à la deuxième moitié du 20e siècle ont inévitablement teinté la façon de penser des chercheurs. Et on le voit d'ailleurs à travers les nouvelles perspectives qui ont été prises en compte dans les recherches archéologiques à partir de ce même moment-là. Et dans ce changement de paradigme, on peut pas passer à côté du fait qu'on introduit certains biais. Et pour mieux comprendre la problématique, ce soir, tu nous parles d'une étude de cas qui concerne un pan de l'archéologie du sud-est des États-Unis, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tout est parti du constat qu'il y a des études ethno-historiques de peuples autochtones du sud-est des États-Unis qui, on voyait, étaient beaucoup plus avancées et poussées que celles archéologiques pour ces mêmes peuples. Et pour mieux comprendre la différence entre les types d'études archéologiques et ethno-historiques, faut comprendre que l'ethno-histoire, ça repose essentiellement ou principalement sur l'étude des textes d'époque qui racontent les échanges, entre autres, entre les colons et les colonisés. On a juste à penser aux ouvrages de Jean Cartier qui rapporte ses péripéties dans ses récits de voyage. Et à travers ce qu'on nous a rapporté, bien, il est possible pour un historien de peindre un peu le paysage socioculturel d'une époque qui est résolue. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté aussi du fait qu'il y a des biais relatifs au contexte culturel propre à la personne qui écrivait le texte versus les gens qui étaient étudiés. Mais revenons aux différentes avancées de cette discipline. Ce domaine de recherche inclut de plus en plus des études de genre. Donc, on voit en ethno-histoire beaucoup plus d'études sur les femmes, sur les enfants ou sur les interactions sociales, contrairement à l'archéologie. On va donc parler de transformation des rôles qui sont genrés. On peut parler aussi de l'expression de la masculinité ou de la féminité, mais aussi des changements dans les certains statuts sociaux. Alors, ce sont en effet des éléments facilement discernables lorsqu'on lit un texte. Mais est-ce qu'on peut aussi discerner l'expression de la masculinité ou de la féminité à travers les vestiges archéologiques? A priori, oui. Et d'ailleurs, on le fait depuis plusieurs décennies déjà. Lorsqu'on parle d'archéologie du genre, on voit que ça a bénéficié de la middle range théorie de Lewis Benford. Et là, je m'excuse, il n'y a pas de traduction à middle range theory. Ça, c'est pas évident, effectivement. Oui, c'est Benford, en fait, qui, au milieu des années 70, qui va se tourner vers les études actualistes pour forger un cadre conceptuel qui va permettre de relier la théorie à la recherche empirique. Et la recherche empirique, c'est tout simplement des recherches qu'on peut faire par observation et ou expérimentation. Et il va définir ce type de recherche-là comme les relations entre statique et dynamique ou entre comportement et dérivés matériels. Donc, essentiellement, en archéologie, il s'agit des premières étapes pour comprendre comment les gens du passé vont se comporter. Parce qu'on suppose qu'il y avait un lien entre le comportement et les vestiges archéologiques et que c'est un lien qui va rester à travers le temps. Mais ultimement, il faut comprendre qu'on fait référence aux analogies. Donc, on suppose qu'une chose arrive à l'autre aussi, parce qu'en fait, les analogies vont reposer sur deux idées. C'est que, un, l'archéologue propose une analogie entre une situation qui est contemporaine à une situation du passé, et que, deux, les vestiges qui sont produits vont, dans ces deux types de situations-là, passé et contemporain, vont être ou seraient identiques. Et est-ce que tu peux nous illustrer ces analogies faites en archéologie? En fait, il existe deux formes. Il y a l'analogie relationnelle ou bien celle qui est connue comme formelle. Donc, pour les analogies relationnelles, c'est celles qui sont justifiées par une connexion qui est historique entre la source et le sujet. En exemple, il y a des liens qui ont été faits avec les traces matérielles et aussi littéraires, ethno-historiques pour les peuples Cherokee pour interpréter des politiques, les politiques sociales sexo-spécifiques des Cherokee dans la préhistoire. Donc, dans ces études-là, on peut voir de nombreuses démonstrations des formes de pouvoir qui sont basées en fait sur la communauté et sur la parenté et qui servent ultimement à expliquer les tendances funéraires chez les hommes, les femmes et les enfants également. Lorsqu'on parle plutôt d'analogie formelle, on va se référer aux similarités dans les traits ou bien les attributs entre la source et le sujet. Donc là, on suppose, entre autres, qu'un emplacement d'un cimetière dans un village, que ce soit Cherokee ou autre, va toujours être le même pour tous les autres villages Cherokee dans une même région donnée. Et ces analogies ne sont-elles pas trop un peu simplistes? Oui, certainement. Dans la mesure où les relations et aussi les idéologies sociopolitiques sont des éléments qui sont plutôt complexes pour un chercheur, il est donc facile de croire qu'une analogie entre deux contextes de civilisation soit difficilement représentative l'une à l'autre. Il faut donc garder en tête que l'analogie n'est pas une avenue analytique qui doit se faire à la légère. Donc oui, on peut l'utiliser, mais il faut quand même nuancer certains faits. Parlons d'ailleurs de l'étude de cas en question qui questionne les analogies. Donc, les chercheurs se sont penchés à mieux comprendre les tumulus, donc une sorte de petite montagne qu'on retrouve dans la région où les Cherokees sont, donc la région du sud-est des États-Unis, où on se situe environ, là, vous avez à penser à l'Alabama, la Floride, l'Arkansas et les deux Carolines, donc Caroline du Nord et Caroline du Sud. Et donc, on va retrouver dans cette région, pour la période préhistorique et proto-historique, des tumulus qui sont utilisés comme une pratique funéraire. Donc, c'est là qu'on va enterrer certaines personnes. Et aussi, on en retrouve ces tumulus-là dans plusieurs civilisations ailleurs dans le monde, dans l'Antiquité d'ailleurs. C'est souvent des pratiques funéraires qui sont reliées à une personne de pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup. On va enterrer une ou deux personnes avec certaines personnes de son entourage. Et c'est des tombes qui sont aussi, qui vont comprendre en fait un assemblage archéologique abondant, souvent très riche. Il y a plusieurs matériaux exotiques ou des matériaux précieux. Et donc, dans la région des Cherokees, c'est vrai que la plupart des gens sont enterrés sans grande cérémonie dans des fosses communes, mais on retrouve à quelques exemplaires des tumulus. Alors, où est la limite de l'analogie pour ce cas de figure avec les Cherokees? En fait, le problème ici, les archéologues ont cru à tort que c'était les hommes de pouvoir qui étaient enterrés dans ces tumulus-là, comme on peut le voir ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et les Cherokees, c'est sûr que ce sont un peuple complexe dans un contexte culturel et social qui est quand même potentiellement différent des autres civilisations. Donc, même où, si oui, les femmes sont enterrées ailleurs, à certains endroits, c'est plutôt des espaces domestiques comme la maison ou des marchés. On peut pas prétendre que le tumulus va représenter essentiellement ou systématiquement le leadership et le pouvoir qui est masculin, voire même le prestige politique. C'est une interprétation qui est trop simpliste. Il faut s'assurer de prendre tout en compte dans la culture Cherokee. Ces deux façons de faire là, vont présenter deux volets d'une même société et elles ne sont pas contraires l'une à l'autre. Et donc, l'une n'implique pas nécessairement une dominance, surtout que l'utilisation des fosses communes, je le répète, prédomine quand même comme pratique normale et commune funéraire. Donc, tout ça pour dire que les femmes qui sont enterrées dans un espace plus domestique ont peut-être eu autant de pouvoir qu'un homme qui était enterré dans un tumulus. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas parce que dans certaines civilisations, les défunts dans un tumulus est un homme de pouvoir, qu'on ne peut pas par analogie dire que c'est pareil dans d'autres civilisations et exclure notamment qu'il y a eu des femmes de pouvoir enterrées ailleurs dans un tumulus. Oui, exactement. Pourtant, il est tentant de faire des analogies, en fait, alors mieux vaut les utiliser en contexte archéologique, non? Oui, je crois que il s'agirait en fait de combiner et éventuellement aussi analyser les ethnographies, les ethnologies qui sont contemporaines. Je pense que ça pourrait permettre de trouver des analogies qui correspondraient mieux aux façons de faire des personnes qui sont genrées, donc hommes, femmes et autres, et qui modifient systématiquement leur comportement quand on les regarde aujourd'hui. On peut pas se baser sur quelque chose de concret. Il y a toujours des nouvelles balises pour leur culture et leur société. C'est une sensibilité qui est nécessaire pour mieux comprendre le genre, mais aussi le rôle des genres à l'intérieur d'une même société, qui est une société inévitablement quelque chose de dynamique, et ultimement, ça nous permettra d'avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé, réellement passé, ou qui aurait pu se passer dans la préhistoire ou à tout autre moment aussi histoire. Oui, tout à fait. Et ça demande aussi de savoir prendre du recul pour ne pas être influencé par une situation faussement comparable. Exact. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, François.